Pendant les 5 années qui suivirent, le plan prévu par Grandet pour liquider les affaires de son frère se poursuivit. Le lendemain du départ de Charles, la maison Grandet reprit sa physionomie pour tout le monde, excepté pour Eugénie, qui la trouva tout à coup bien vide. À l'insu de son père, elle voulut que la chambre de Charles restât dans l'état où il l'avait laissée. Madame Grandet et Nanon furent volontiers complices de ce statu quo. Depuis ce jour, la beauté de Mademoiselle Grandet prit un nouveau caractère. Les graves pensées d'amour par lesquelles son âme était lentement envahie, la dignité de la femme aimée donnèrent à ses traits cette espèce d'éclat que les peintres figurent par l'auréole. Avant la venue de son cousin, Eugénie pouvait être comparée à la Vierge avant la conception. Quand il fut parti, elle ressemblait à la Vierge Mère. Elle avait conçu l'amour. En revenant de la messe, où elle alla le lendemain du départ de Charles et où elle avait fait vœu d'aller tous les jours, elle prit, chez le libraire de la ville, une map monde qu'elle cloua près de son miroir afin de suivre son cousin dans sa route vers les Indes, afin de pouvoir se mettre un peu, soir et matin, dans le vaisseau qui les transportait, de le voir, de lui adresser 1000 questions. Puis, le matin, elle restait pensive sous le noyer, assise sur le banc de bois rongé par les vers et garni de mousse grise où ils s'étaient dit tant de bonnes choses, de niaiseries, où ils avaient bâti les stagetos en Espagne de leur joli ménage. Enfin, ce fut l'amour solitaire, l'amour vrai qui persiste, qui se glisse dans toutes les pensées et devient la substance, ou, comme eussent dit nos pères, l'étoffe de la vie. Quand les soi-disant amis du père Grandet venaient faire la partie le soir, elle était gaie, elle dissimulait. Mais, pendant toute la matinée, elle causait de Charles avec sa mère et Nanon.